déjà fini. Ah ben, on s'est laissé encore une fois surprendre. Alors, bon, il laisse tomber, il n'entend rien. D'habitude, ça fonctionne très bien. Si on a un problème technique, alors là, c'est... J'espère qu'on n'est pas en train d'émettre dans le vide. Ah ben, le morceau n'était pas fini. Là, c'était la fin. Cette fois-ci, c'était vraiment la fin du morceau, la fin du cauchemar atomique 1979. C'était effectivement un cauchemar, surtout pour les voisins. Parce que depuis tout à l'heure, je vous ai assuré qu'ils sont en train de souffrir. C'est une horreur. Oui, donc c'était Mr. Shadow Sky qui, à la base, est plutôt guitariste. Hein. Mais bon, qui est multi-instrumentiste, on va dire. Mais bon, son instrument de prédilection, c'est la guitare électrique. Bon, par contre, il apparaît qu'on n'a peut-être pas de radio. Qu'est-ce qu'on va faire, Gloop ? Sinon, on continue, on verra bien ce qui se passe. Hein. Et le stream d'ici, il sort. Donc, de toute façon, il y a du trafic sortant. Et il n'y a rien d'autre que la radio qui sort. Donc, on verra. On passe au morceau suivant, My Educated Remains de Ryan Walsh. Donc, ce que vous pouvez trouver sur www. Ils n'auraient pas pu trouver une autre lettre, plus facile à dire. .legaltorrent.com. Mais bon, ça fait 15 ans qu'ils ont fait la connerie en choisissant cette lettre, je crois. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Donc, ils auraient pu faire un triple V, ça aurait été mieux. Oui, bonne idée. Ouais. Plus facile, ça aurait été plus facile. Triple V. Voilà. Donc, My Educated Remains par Ryan Walsh. Et alors là, il y en a pour 11 minutes 50 à faire souffrir le voisin. 11 minutes 50 de sadisme. Sous quelle licence ? Ah oui, au fait, sous quelle licence ? Hein ? By NCND 2.0. Donc, c'est. Il donne également un auteur, Dead Ham. Et. Oh. Ouais. Traditionnel, donc il s'agit probablement aussi d'un détournement de quelque chose. Alors écoutons cet odieux détournement d'un traditionnel qui devient du coup quelque chose, comment dire, hein, on arrive à absolument l'inverse, à de l'avant-gardiste. Absolument, voilà. Comment passer du traditionnel à l'avant-gardiste ? Thank you. When you're stretched on the rack, hear the jets. Feel the pain in your ship, feel a strain in your grip. Hear the jets. Feel her rise, feel her drive, strain and steel come alive on her jets. On her jets. Little by little, his songs began to travel along with spaceways ahead of him. Raw spaceman songs. A different kind of song. Strange, sad songs, like the ones you find printed in the Centennial Edition. Well, there's one called Dark Star Passing, Death Song of a Weed Cold, and then finally, The Green Hills of Earth. Adventures in Time and Space. Told in Victor. Dimension X. Can you predict what will come in 100 years or in 10? We'll be right back. Educated remains, c'est les restes de son éducation. Bah, c'est des beaux restes quand même. Hein. Ouais, c'était pas mal du tout. Hein. Je connaissais pas bien. Ouais. Ryan Walsh, donc que l'on peut trouver sur, c'est pas sur Dogmazic ça. Par contre, hein, vous le trouvez sur LegalTorrents.com. Hein, donc My Educated Remains, qui est le titre du morceau, mais qui est aussi le titre de l'album sous Creative Commons by NCND 2.0. Et donc, on a effectivement entendu un moment la chanson traditionnelle. Ça date de 2004. Ça fait déjà 4 ans. Pour de la musique libre, c'est déjà vieux. Ouais, pour de la musique libre. Bien sûr. Ouais. Super vieux. Ouais. Démodé. Voilà, enfin démodé. Non, parce non, que ah ça... Bah non, ah bah non, pas la démodé. La musique libre ne connaît pas les modes. C'est pas de la musique jetable. Voilà. Et encore moins la musique noise, expérimentale, libre. Voilà. Bon, il semblerait qu'on ait un problème. Enfin, on sait pas. La radio, on sait pas si la radio marche. Alors, bon, enfin, de toute façon, on a déjà un petit problème, c'est qu'il est impossible d'accéder de notre côté au chat en Java. Donc, ça se passe sur le forum dans le sujet émission de Gloop. Donc le sous-forum Radio Dogmazic. Hein. Et il semblerait que personne, que quelqu'un ne nous entende pas. Alors chez nous, on a du son, on a un niveau sonore, ça a l'air de passer. Alors bon, bah, si quelqu'un nous entend, bah, qu'il nous confirme, qu'on soit au moins rassuré que bah, quand on parle dans le micro ou quand on fait passer la musique, on nous entende effectivement. Ouais, ça, c'est pas déjà... sûr. Et ça, c'est déjà la première partie. Mais enfin, bon, si on nous entend pas, ils vont pas entendre notre appel. Mais, oui, bien vu, ouais. Ben, voilà. Sinon, ben, ils se contentent. Mais s'ils nous entendent, il y aura peut-être quand même quelqu'un qui répond. Ouais, donc, ouais, si quelqu'un répond, c'est qu'il nous a entendu. Voilà. Absolument. Mais bon, sinon, ils se contenteront du podcast ou du téléchargement de l'émission. Du téléchargement légal. Absolument légal, bien sûr, ouais, ouais. Et donc, après les restes de son éducation, on passe à un autre extrait de son qui ne vient pas non plus de Dogmazic, ça vient de Arte Radio. C'est Anton Mobin qui avait fait ça, il avait fait 3 micro-frottoirs. Alors, pas micro-trottoir, mais micro-frottoir, où au lieu de faire une prise de son normale du son d'un objet, ben, il a frotté le micro contre l'objet. Il a même frotté le micro contre de l'eau. Ah bon ? Ah oui. Et contre les passants aussi, peut-être, sur le trottoir. Ah non, pas contre les passants. Contre différents objets, contre le rideau de douche. Là, il a fait quelques prises de son. Et c'est une expérience assez amusante. Et à un moment, ce qu'il dit dans les commentaires très brefs, ou sa présentation, je ne sais pas comment appeler ça, ça serait tout à fait digne d'un titre de musique pour Vewalt, d'ailleurs. Hein. La façon dont ça sonne, ça passerait bien comme titre pour Vewalt. Hein, pas le titre micro-frottoir 3, mais un bout qu'il y a dedans, ça m'a tout de suite fait penser à Vewalt. Hein, il fait des titres comme ça. Donc, sans plus attendre, le micro-frottoir, le numéro 3, c'est donc Le Retour de la Vengeance, par Anton Mobin, de arteradio.com, que vous pouvez aussi d'ailleurs podcaster, hein, si vous avez un logiciel qui est capable de vous rapatrier tous les MP3. Et quelques informations supplémentaires... Oui, ben c'est sous Creative Commons by NCND 2.0. D'ailleurs, comme tout ce qui est de chez arteradio.com. Voilà. Démarrons-le. 4 minutes environ. Démarrons-le silencieusement. Frottement du micro sur le rideau de la douche. Sur lime à ongles. Frottement bonnette sur micro. Sur papier bulle d'air. Sur papier journal. Avec bonnette. Sans bonnette. Frottement sur polystyrène. Frottement sur l'eau. l'immersion du micro qui frottait l'eau. Sacrifice du microphone. Ben, apparemment, ça passe. Il se trouverait que l'émission ne passe pas. Donc d'après Coconuts Records sur le forum, on n'a pas. Il y a pas de son. Ouais, Coconuts, si tu m'entendras. Ben non, il ne m'entend pas. Non, mais pas aujourd'hui. Mais il m'entendra sur le podcast ou s'il télécharge l'émission ou ce qui va en rester. Oui. On est en train d'émettre du silence. Hein. On sait pas du tout. C'est Gloop à la technique, c'est qui a déjà fait des émissions et pour l'instant on n'a aucune idée de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas. Alors sinon bon, on continue un peu en attendant. Hein, sinon tant pis. Hein, apparemment, il y a quelque chose qui passe, mais on ne sait pas trop où ça va. où c'est que ça coince. On n'a pas non plus le chat en Java sur le site Dogmazic. Peut-être que c'est un rapport avec un serveur Dogma. Enfin, moi, je ne sais pas. Je suis pas. Mais s'ils ne nous entendent pas, ça ne sert à rien de le dire. Oui. Bon, alors on passe le morceau suivant. Morceau suivant, Simio Superior. C'est la... Le morceau qui s'appelle Comona Radio. Comme Simio. À la radio. Non, Comona Radio, ça c'est le nom de l'album. Ah ben, le morceau, il est simplement intitulé De. Exact, Dos, oui. Dos. Spy. Dos. Kaksi, même en finlandais. Super. Et sous Creative Commons by NCSA 2.5, c'est le net label Test Tube. Dans l'éprouvette. Allons lancer ce petit bébé éprouvette. Ouais, pour 3 minutes. On va se l'écouter, 3 minutes de bébé éprouvette. C'est parti.